Être libre, c'est savoir dire non. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous revenons sur l'une des plus importantes joutes diplomatiques de l'ère moderne. Épisode mémorable au cours duquel la France a dit non à la guerre en Irak. Un processus qui s'étale de septembre 2001, depuis l'attentat contre les tours jumelles à New York, jusqu'à mars 2003, lorsque l'Amérique de George Bush lance sa guerre contre l'Irak, en écho à sa théorie de l'axe du mal. En plein cœur de cet emballement, c'est aux Nations Unies, devant les caméras du monde entier, que va se jouer cette partie diplomatique dont les travées de l'ONU se souviennent encore. Cette affaire très sensible nous transporte dans le désert d'Irak et dans les coulisses du Quai d'Orsay. Pendant le récit, vous entendrez la voix d'un comédien qui lira les notes de l'un des conseillers du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin. Ce conseiller, c'est Bruno Le Maire, aujourd'hui candidat aux primaires de l'UMP. Son livre s'intitule « Le ministre ». Cette affaire est également une affaire européenne où les grandes puissances du vieux continent ont dû faire face à leurs divergences et une fois de plus, et où dans chaque pays, le choix de 2003 laissera des traces. Enfin, c'est une affaire française où l'on a assisté sous les caméras du monde entier à l'avènement d'un ministre, Dominique de Villepin, devenu par la suite Premier ministre de Jacques Chirac, qui signe là l'action majeure de ses deux mandats, la seule vraiment importante qu'on retiendra de ses 12 ans à l'Élysée, avec également son discours du Veldiv en 1995. Après le récit, nous recevrons Patrick Jarreau, ancien rédacteur en chef du Monde et ancien correspondant à Washington. Ce journaliste a couvert la période des attentats de 2001 jusqu'à la réélection de George Bush en novembre 2004. Il est également l'auteur, avec Jean-Christophe Rosé, du documentaire « Irak, la guerre à tout prix ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyen et Jérôme Chélius, voix de Bruno Le Maire, Philippe Pierrard, à la technique Loïc Frapsos et Stéphane Poitvin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Yeah! My fellow citizens. George W. Bush. At this hour. 19 mars 2003. American and coalition forces are in the early stages of military operation. Mes chers concitoyens, à cette heure, les Américains et les forces de la coalition sont à la première étape de leur déploiement militaire opérationnel. To disarm Iraq. Pour désarmer l'Irak. To free its people. Pour rendre la liberté aux gens. And to defend the world from grave danger. Et défendre le monde contre le grave danger. States like these, les États de ce genre and their terrorist allies, et leurs alliés terroristes constitute an axis of evil, constituent l'axe du mal. Arming to threaten the peace of the world. Notre sentiment, il est très simple. Dominique de Villepin. Tant que la coopération peut être explorée. 20 janvier 2003. Il n'y a aucune raison de choisir la plus mauvaise des solutions, c'est-à-dire l'intervention militaire. New York, 11 septembre 2001. Oh my God. 11 septembre 2001. Deux avions détournés s'écrasent sur les tours du World Trade Center. 30 minutes plus tard, c'est le Pentagone, siège du secrétariat à la défense du pays le plus puissant du monde, qui est en flammes. Vous connaissez tous l'histoire de ce 11 septembre, de cette nouvelle transmise au président des États-Unis, George Bush, en plein milieu d'une visite, dans une école. Vous avez tous en souvenir ce que vous faisiez ce jour-là en France, quand au milieu de l'après-midi, toutes les chaînes d'infos et de radio se sont interrompues, braquant leurs micros et leurs caméras vers New York. Pour certains, le 21e siècle commence ce jour-là. Il y aura un avant et un après 11 septembre, comme au lendemain d'Hiroshima ou de la chute du mur de Berlin. Le 11 septembre 2001, sur l'île de Manhattan, le siège des Nations Unies surplombe cette fumée qui vient de s'abattre dans les rues. L'ONU, organisation héritière des temps tourmentés de l'Europe où se dessine l'avenir de la paix et la sécurité des territoires des pays membres, rencontre un nouvel ennemi ne revendiquant ni terre, ni nation, ni hymne, ni drapeau, Al-Qaïda. Sur toutes les télés du monde et dans les couloirs des lieux de pouvoir, on s'émeut et on relaie les cris et les larmes des New-Yorkais. Le président français, Jacques Chirac, est le premier chef d'État à se rendre à Manhattan et à apporter son soutien aux États-Unis lors d'un entretien le 18 septembre 2001 avec George Bush à la Maison-Blanche. On se souvient de son tour en hélicoptère au-dessus de New York. À la suite des événements, la riposte s'organise. Les États-Unis et ses alliés se lancent dans la guerre contre le terrorisme. L'Afghanistan est la première cible. À la demande de Washington, le Conseil de sécurité des Nations Unies exige du gouvernement afghan la livraison immédiate et inconditionnelle de Ben Laden. Le 8 octobre 2001, après le refus des talibans, les premières frappes américaines s'abattent sur les montagnes afghanes. Quelques mois après, les premières opérations en Afghanistan, George Bush n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. En janvier 2002, il utilise pour la première fois une expression qui fera date, l'axe du mal. Un axe formé, dans son esprit, par l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, qui, je cite le président américain, sont alliés des terroristes et armés pour menacer la paix dans le monde. En quelques semaines, la guerre se transforme en une croisade du bien contre le mal dont l'Amérique prend la tête. Et sur la route de ces pèlerins armés, Bagdad et la Jérusalem à libérer. Avant de poser les pieds sur le sable irakien, George Bush accepte de faire escale à l'ONU où depuis 1945 se décide une partie des guerres et du maintien de la paix dans le monde. En signant la charte des Nations Unies, ses pays membres acceptent de suivre un cadre, des règles. Il faut convaincre, prouver, s'entourer pour utiliser sa carte militaire. Les Américains décident alors de proposer au vote une nouvelle résolution à l'encontre de l'Irak. S'en suivra une bataille diplomatique sans précédent. Revenons à l'automne 2002 dans les couloirs de l'ONU et ceux des ministères des Affaires étrangères. Pays, alliés, Nations Unies, citoyens, choisissez votre camp. Novembre 2002, Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 8 semaines d'intenses pourparlers, la résolution 1441 est adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. Comme pour chaque résolution, c'est le compromis qui l'emporte. Le document fixe un nouveau calendrier de désarmement précis à l'égard de Saddam Hussein. L'Irak doit montrer patte blanche et rendre compte de toutes les armes de destruction massive en sa détention et de ses stocks devant les inspecteurs de l'ONU. L'Irak accepte. Et le 27 novembre, Hans Blix, chef de la commission de contrôle de l'ONU, débarque à Bagdad. Quelques jours plus tard, à la surprise générale, les autorités irakiennes remettent à l'ONU une déclaration de plus de 20 000 pages, conformément aux demandes des inspecteurs. À Paris, au Quai d'Orsay, les hommes du ministre de Villepin reçoivent la déclaration. Voilà ce qu'écrit Bruno Le Maire, alors conseiller pour les affaires stratégiques, à ce sujet. Le volume du rapport remis par l'Irak avait un côté comique. Nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas de la part des Irakiens une provocation. Beaucoup de documents étaient rédigés en arabe, parfois manuscrits. Certains étaient à peine lisibles. Mais on aurait tout aussi bien pu plaider l'incompétence, la désorganisation ou la panique à quelques jours de l'échéance. Pour Washington, c'est clair, Saddam Hussein ment et cache des armes. Alors George Bush prend les devants et déploie les premières forces dans la région. Le passage à l'ONU n'est qu'un détour dans l'esprit des hommes du président, une étape obligatoire, de convenance, en quelque sorte, pour calmer les pays alliés dubitatifs. La question n'est plus de savoir si la guerre aura lieu, mais quand et dans quel cadre elle aura lieu. Et dans les premières semaines de janvier 2003, étape après étape, la bataille diplomatique se met en place. Siège de l'ONU, janvier 2003. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la présidence, c'est une présidence tournante. Et c'est la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui préside les débats en ces débuts d'année. Le Conseil de sécurité de l'ONU est constitué de 15 membres, 10 non permanents et 5 permanents. Chacun de ces membres permanents, dont la France et les États-Unis, a un droit de veto, bloquant alors toute action sous la bannière de l'ONU. En cas de conflit, et pour l'octroi de l'avis et le soutien du Conseil de sécurité, il faut donc convaincre une majorité de membres et éviter le veto d'un pays permanent. D'un point de vue politique, le Conseil de sécurité est une arène où, autour de la gigantesque table ronde, on se fait face. Au siège de la France, c'est Dominique de Villepin qui prend place. Fidèle secrétaire général de l'Élysée pendant plus de 7 ans, c'est en mai 2002 qu'il débarque au Quai d'Orsay. Jacques Chirac aime le décrire comme un poète et un commando, rien que ça. De l'autre côté de la table, dans le fauteuil des États-Unis, c'est Colin Powell, secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine, qui s'installe. Dans l'administration Bush, il est considéré comme un modéré favorable au cadre des organisations internationales. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, on le surnomme le guerrier réticent. Powell, c'est un ancien général en chef, état-major des forces américaines qui connaît très bien le dossier irakien. En 1991, c'est lui qui a refusé de conquérir Bagdad sans mandat de l'ONU lors de la première guerre du Golfe. Colin Powell attend désormais les premières conclusions des inspecteurs de l'ONU et la réaction qui les accompagnera. Et c'est en France, où Jacques Chirac reçoit à l'Elysée Hans Blick, le chef des inspections et des inspecteurs de l'ONU en Irak, que les positions s'affinent. À la sortie de cette entrevue, les deux hommes prennent la parole dans les salons de l'Elysée devant la presse du monde entier. J'aimerais avoir encore peu d'explications de nos inspecteurs de Bagdad, mais je dirais d'abord que j'ai l'impression que la découverte était très bonne. On a été dans quelques bunkers et on a trouvé quelque chose, ça c'est bien. Et il s'agit des ogives qui sont vides, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas des armes chimiques là-dedans, mais il s'agit aussi des ogives qui sont produits pour porter les armes chimiques. Alors, je crois qu'on devrait les détruire, c'est la règle. Les inspecteurs ont demandé du temps supplémentaire. Cela a été confirmé à la fois par M. Al-Baradei et par M. Blix. Eh bien, la sagesse oblige à répondre à leurs demandes et à leur donner le temps qui est nécessaire pour qu'ils puissent apporter des conclusions sérieuses et qu'ils puissent convaincre la communauté internationale. Les inspecteurs ont reçu leur mission du Conseil de sécurité de l'ONU. Il appartient au Conseil et à lui seul de porter un jugement à la fois sur les rapports et sur les demandes des inspecteurs. Et par conséquent, si tel ou tel pays prenait une mesure qui ne soit pas conforme à ce que je viens de dire, il se mettrait purement et simplement en contravention avec la règle internationale. On discute, mais pendant ce temps, les Américains rappellent les premiers réservistes et installent leurs bâtiments au Moyen-Orient. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. They can't stand free. The evil doers, they can't stand free. Taliban, they can't stand free. The fanatics, they can't stand free. They hate what America stands for. Freedom and democracy. Freedom and democracy. Either you are with us, or you are with the terrorists. À l'ONU, l'atmosphère est aux visiteurs du soir, aux transmissions d'informations confidentielles. Chaque camp ravive ses contacts, on se remémore les alliances passées, on ressasse les intérêts communs, on sous-entend des futurs soutiens. Et au soir du 19 janvier, Dominique de Villepin rencontre Colin Powell dans sa suite de l'hôtel Waldorf Astoria à New York. Les deux hommes s'apprécient, entretiennent de bons rapports. Mais ce soir-là, quelque chose a changé dans les propos du secrétaire d'État américain. Les choses semblent s'accélérer. À deux reprises, Colin Powell déclare « Ne sous-estimez pas notre détermination. Les dés sont jetés. Les États-Unis ont la force et les moyens de partir seuls. Désormais, la diplomatie française doit choisir, suivre son allié ou lui faire face sans rompre le lien qui les unit. Sacré numéro d'équilibriste. » Le 20 janvier 2003, les deux hommes se retrouvent lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le terrorisme. Mais très vite, l'Irak s'impose au cœur des discussions. Chacun marque sa position, on place ses pièces sur l'échiquier. Il se serre la main cordialement devant les photographes, mais sur le dossier irakien aujourd'hui, tout les sépare. Lors de ce Conseil de sécurité consacré à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à l'Irak, le chef de la diplomatie allemande, Joschka Fischer, a rappelé que son pays était totalement opposé à la guerre. En plus de conséquences désastreuses pour la stabilité régionale, nous craignons d'éventuelles répercussions négatives sur la lutte entreprise contre le terrorisme. C'est pour ces raisons fondamentales que nous rejetons une intervention militaire. Et tandis qu'à Bagdad, les autorités venaient à peine de s'engager à plus coopérer avec les inspecteurs de l'ONU, à New York, Colin Powell s'empressait de minimiser la portée de cet accord et mettait en garde la communauté internationale. Si les Nations Unies veulent apporter une réponse appropriée, elles doivent faire preuve de fermeté envers l'Irak et elles doivent l'obliger à respecter la résolution 1481 et les autres. La Grande-Bretagne a quant à elle répété que le temps était compté et annoncé le déploiement de 26 000 soldats. Un déploiement qui, aux yeux de la France, semble totalement prématuré. Et c'est la France, de fait, qui va le plus loin. Lors de la conférence de presse, après les photos traditionnelles de poignées de main qui ne sont plus que de façade, Dominique de Villepin marque, lui aussi, la détermination de son pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, rien ne justifie d'envisager l'action militaire. La France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, assumera toutes ses responsabilités, fidèles aux principes qui sont les siens. Et je réponds là une nouvelle fois à la question qui m'a été posée sur l'inconstance de la France. Croyez bien qu'en matière de respect des principes, nous irons jusqu'au bout. Voilà, c'est dit, nous irons jusqu'au bout. L'offensive est lancée. Coup de froid entre la France et les États-Unis. Dans la presse américaine, on parle même d'embuscade française. L'escale à l'ONU dure plus longtemps que prévu et cela inquiète de plus en plus l'état-major américain, car de l'autre côté de l'Atlantique, l'Irak sera bientôt sous des températures extrêmement chaudes qui ralentiront l'offensive. Il faut faire vite. Either you are with us, or you are with the terrorists. Trois jours plus tard, le 23 janvier, c'est par la voix du secrétaire à la Défense, farouche conservateur Ronald Rumsfeld, que l'Amérique contre-attaque. Now, you're thinking of Europe as Germany and France. I don't. Vous ne pensez qu'à l'Allemagne et à la France. I think that's old Europe. Pour moi, je pense que c'est la vieille Europe. At the entire NATO, si vous regardez Europe l'ensemble today, de l'Europe the center et de l'OTAN, of gravity is shifting to the east. Vous voyez que son centre de gravité se déplace vers l'Est. And there are a lot of new members. Les nouveaux pays sont nombreux. And if you just take the list of si vous prenez la liste NATO, de tous les membres de l'OTAN, les derniers pays invités, what is it, 26, something like that? Combien sont-ils? 26, plus ou moins. You're right. Vous avez raison. Germany has been a problem. L'Allemagne a été un problème. And France has been a problem. Et la France a été un problème. But just a minute. Juste une minute. But si vous regardez, tous les autres pays ne sont pas avec la France et l'Allemagne. Ils sont avec les États-Unis. La vieille Europe, réponse cinglante. La diplomatie est une valse à deux temps. Alors fini le temps du compromis, des faux-semblants, de l'ambiguïté, d'une formule qui permet pour chaque camp de revendiquer une petite victoire. Non, voici venu le temps de l'affrontement, où les mots ne se cachent plus, où chaque phrase attaque, tranche, sanctionne. Deux camps se font face, celui du refus de la guerre, porté notamment par la France et l'Allemagne, puis le camp de la guerre, des volontaires comme l'Angleterre, de Tony Blair, fidèles des plus fidèles, l'Italie, l'Espagne et une partie des pays de l'Est de l'Europe. Est-ce que la France peut faire face à l'Amérique? Les États-Unis auront-ils assez de soutien au Conseil de sécurité? Chaque camp envoie ses émissaires récolter des voix. The United States of America will not permit the most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. En France, le 26 janvier, le bureau de Quai d'Orsay reçoit un coup de téléphone. C'est Jack Straw, le ministre travailliste des Affaires étrangères de Tony Blair, qui est au bout du fil. Appel de Jack Straw. Il souhaite que le ministre reçoive dans les prochains jours un responsable du MI6, qui lui communiquera des renseignements confidentiels sur l'Irak. Le ministre hésite et donne finalement son accord. Le 31 janvier, la rencontre a lieu. Le ministre reçoit à 17h le responsable du MI6. Le représentant des services secrets prend place dans le fauteuil en face, tout de raideur. Son dos ne touche pas le dossier tendu de velours. Il lit sentencieusement des documents barrés en rouge d'un United Kingdom secret. Mais ces informations, qu'il délivre avec une pointe d'arrogance qui se veut du mystère, ou le début d'une connivence avec ses interlocuteurs, ne nous apprennent rien. Elles frôlent parfois le commentaire de romans policiers. Le ministre soupire dans le canapé, croise les jambes, lève son bras pour jouer avec l'une des statuettes africaines posées sur la table à côté de lui. Ces deux Anglais côte à côte, chargés de convaincre Paris de la menace immédiate des armes de destruction massive irakienne, argumentant l'un avec des renseignements imprécis, l'autre avec des convictions politiques éloignées des nôtres, découvrent minute après minute la difficulté de leur mission. Étrange rencontre, quelque chose est en préparation dans le camp d'en face. Entre-temps, des citoyens manifestent leur refus de la guerre dans les grandes capitales du monde. Mais que peuvent-ils faire contre ce manège diplomatique où on négocie la guerre comme on vend des usines ? The President of the United States. Saddam is a threat because he admitted senior al-Qaeda terrorist planner. Hidden prejudice. I will use it to spread violence and fear. What? For everyone. Back down. What? Or come for me. Come on. We will not leave until the job is done. We are ready. They are not. Frankly, war is what they got. Don't mess with George W. What? Everyone can now doubt the word of America. action. I am prepared. Don't believe a word of it. I believe in tough out. Le 5 février 2003, New York, c'est le grand jour. On annonce depuis 2 semaines la diffusion de preuves à l'encontre de dictateurs irakiens. C'est à l'ONU, lors d'une session plénière du Conseil de sécurité, que les États-Unis ont décidé de présenter ces documents. Et c'est Colin Powell qui s'en charge. Pendant plusieurs minutes, le chef de la diplomatie américaine dresse un long réquisitoire contre Saddam Hussein. À l'aide de photographies satellites montrant des camions transportant, selon ses dires, des stocks d'agents biologiques et sur la base de conversations enregistrées de responsables irakiens prouvant la dissimulation d'armes, Colin Powell accuse encore et encore Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive. Dans le monde entier, sur les chaînes d'information continue, les experts décortiquent chaque preuve avancée par le chef de la diplomatie américaine. L'histoire s'écrit en direct. Du côté français, le discours si bien ficelé et préparé laisse pourtant perplexe. Assis sur notre siège de moleskine bleue, tournant la tête jusqu'à nous dévisser le cou pour suivre la présentation sur les écrans, nous lisons les enregistrements de conversations téléphoniques en arabe, regardons les plans en coupe de camions réfrigérés, les photos de sites suspects, rien ne nous semble convaincant ou nouveau. Mais nous ne comptons pas pour grand-chose. Le véritable jury est planté devant son téléviseur, au Missouri, au Texas, à Los Angeles ou à Washington. Colin Powell prend une minuscule fiole d'anthrax entre ses doigts, la montre à la 50aine de personnes autour de la table, aux millions de téléspectateurs dans le monde. Une avalanche de déclics fixe son geste. Le conseiller Bruno Le Maire ne se trompe pas. Les images et les preuves dévoilées par Colin Powell tournent en boucle sur les télévisions du monde entier. Un doute s'installe dans l'esprit des indécis. Les frileux, eux, sont convaincus, les volontaires rassurés. L'Amérique pense avoir gagné la partie. Un seul obstacle demeure, le Conseil de sécurité. Que va répondre la France ? Que vont répondre ses soutiens au plaidoyer pour la guerre de Colin Powell ? Le 14 février, Paris-New York. Nous filons vers l'aéroport Charles de Gaulle. 2 motards ouvrent la route au ministre. Une moto banalisée écarte les voitures qui s'approchent de trop près. Il est 9h10, nous entrons dans le salon d'attente du Concorde. 14 février 2003, Dominique de Villepin arrive à Manhattan. Midi approche, les membres du Conseil de sécurité s'installent. Ce sont les dernières poignées de main, les sourires soutirés de circonstances. Dominique de Villepin s'installe à côté de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères français lit une dernière fois ses notes. Colin Powell se place en face de lui, impassible. Tous les acteurs de cette pièce diplomatique sont présents. Ils attendent tous désormais l'intervention du Français. Paris va-t-il rentrer dans le rang ? Il a commencé à parler d'une voix grave, qui n'était pas exactement la sienne, plus rugueuse qu'à l'ordinaire. Il parlait lentement. Il articulait chaque mot, laissant aux interprètes le temps de traduire. Powell gardait la mâchoire serrée, les yeux mi-clos derrière les lunettes rectangulaires, sa cicatrice dont le cou palpitait doucement. Il n'y avait pas un bruit dans la salle du conseil. Et cela montait, le silence montait. Il est arrivé à ces mots. Et c'est un vieux pays. Des rires ont parcouru les gradins. Mais c'était de la nervosité, du soulagement aussi, de pouvoir rire un instant, et de l'étonnement. Je crois qu'ils ont dû se dire à ce moment, ce type est fou. Powell a dû se dire, ce type est fou. Les autres membres du conseil ont dû se dire, ce type est fou. Il a repris. Et c'est un vieux pays. Il a continué encore plus lentement. Son visage était plongé dans son discours. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. On entendait le bruit des feuilles quand il tournait les pages. Un pays qui n'oublie pas, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Il en était presque à la fin. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Il y a eu, je crois, une seconde d'hésitation. Quelque chose de suspendu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et la salle a éclaté en applaudissements. Moi, sur mon siège, avec la fatigue, l'émotion, je pleurais presque. Il y avait de la prophétie dans ce discours, autant que d'amour déçu pour l'Amérique, d'orgueil et d'utopie. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le nom de la France à George Bush pour la guerre en Irak en 2003. Notre invité que nous retrouverons dans quelques minutes, Patrick Jarreau, ancien rédacteur en chef du Monde et ancien correspondant à Washington. La vieille Europe est venue là pour répondre avec fracas au discours belliqueux du chef de la diplomatie américaine. La France, accompagnée par l'Allemagne et la Russie, prend la tête de la coalition contre la guerre en Irak. Dans le monde entier, des manifestations sont organisées contre la guerre. Dans les rues de Paris, on peut désormais lire sur les pancartes « Non, Niet, Nein », symbolisant le nom de Paris, de Moscou et de Berlin. Mais rien n'y fait. La légalité de la guerre ne se décide ni dans la rue, ni dans les urnes. La diplomatie a fait son temps, c'est la fin de la guerre des idées, voici venue celle des hommes. Et le 18 mars 2003, George Bush déclare. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. En substance, George Bush déclare, Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînerait un conflit militaire qui commencera quand nous le déciderons. Oui, quand nous le déciderons. L'ONU se vide. Les diplomates rentrent dans leur pays comme une partie des journalistes. Ils attendent le verdict des armes désormais. Et le 19 mars, en pleine nuit, un flash interrompt les programmes. Les premières frappes américaines viennent de toucher Bagdad. Quelques minutes plus tard, George Bush intervient sur les écrans du monde entier. Mes chers concitoyens, à l'heure qu'il est, les forces de la coalition américaine ont entamé les premières opérations militaires pour désarmer l'Irak et pour libérer le monde d'un grave danger. L'Amérique, dans ce conflit, connaît un ennemi qui n'a aucune morale et qui ne reconnaît pas les règles de la guerre. Saddam Hussein a utilisé des boucliers humains, des enfants et des femmes, et il a perpétré des atrocités contre son propre peuple. Cette campagne s'étend sur un territoire grand comme la Californie, et elle pourrait être plus longue et plus difficile que certains ne l'ont prédit. Nous entrons en Irak avec le respect dû à son peuple, pour sa grande civilisation et pour la religion qu'il pratique. Nous n'avons aucune ambition en Irak. Tout ce que nous voulons, c'est éliminer une menace et rendre le contrôle de ce pays à son peuple. Notre nation est entrée dans ce conflit avec réticence, mais notre but est sûr. Les Américains ne vivront pas à la merci d'un régime illégal qui menace la paix avec des armes de destruction massive. Maintenant, ce conflit est entamé. Il faudra y mettre toutes les forces nécessaires pour qu'il soit le plus bref possible. Ce ne sera pas une campagne de demi-mesure et nous n'accepterons aucune autre issue que la victoire. À côté des soldats, des chars et des missiles, des milliers de caméras accompagnent la guerre en direct, de jour comme de nuit. De chaîne en chaîne, on diffuse les mêmes images des heures durant. L'art de la guerre est devenu un art cinématographique visuel, dans lequel le conflit apparaît comme une succession de séquences imaginées sur le storyboard des états-majors. Jour 1, les halos de lumière des missiles illuminent le ciel de Bagdad. Jour 2, arrivée des troupes sur le sol irakien, et ainsi de suite. 20 jours plus tard, les marines sont à Bagdad. Les cris de joie accompagnent le bruit assourdissant des chars et des bombes. La statue de l'ancien dictateur est prise d'assaut par une partie de la foule. Un char américain tire la statue, elle chute, symbole de la fin d'un règne et d'un nouveau qui commence, celui de l'anarchie. Le 1er mai 2003, George Bush annonce sur le porte-avions USS Abraham Lincoln la fin des combats. Sur une importante banderole, on peut lire « Mission accomplie ». 5 ans plus tard, le 24 mars 2008, l'Amérique perdait son 4000e soldat tué en Irak. Côté irakien, on recense à la même époque plus de 100 000 civils qui ont laissé leur vie dans ce conflit. En septembre 2001, sous l'égide de l'administration américaine de George Bush, le monde est rentré dans l'ère des guerres préventives, celles que l'on initie par la croyance, la foi envers un mal qui pourrait faire basculer le monde. La diplomatie, elle, est cantonnée aux jours d'après, ceux au cours desquels il faut penser la reconstruction, cicatriser les plaies, réorganiser une société en ruine. Le combat idéologique des néoconservateurs américains contre un axe du mal a bouleversé le monde et l'Irak. Et c'est sur les ruines et au nom de cette guerre à tout prix que se jouent depuis d'autres guerres, d'autres combats. Après que Saddam Hussein a été renversé, on ne trouva aucune des armes à destruction massive présentées quelques semaines plus tôt. L'Irak de Saddam n'avait pas violé la résolution 1441. La guerre était illégitime et doublement criminelle, tant elle a fait de l'Irak une zone de non-droit, un pays en plein chaos, dont une fois de plus, les populations paient le lourd tribut, aujourd'hui encore. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Affaires sensibles, notre invité aujourd'hui, Patrick Jarreau, ancien rédacteur en chef au journal Le Monde et ancien correspondant à Washington. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, à l'époque des discussions à l'ONU et du récit de ce nom à la France, à George Bush, vous étiez correspondant pour Le Monde. Vous avez donc vécu tout cela de très près. Alors d'abord, puisque George Bush savait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, pourquoi les États-Unis ont-ils déclenché cette guerre? Que voulaient-ils réellement? Alors, bon, sur le premier point, c'est difficile de savoir dans quelle mesure Bush était certain qu'il n'y avait pas d'armes. Hein. La preuve n'était pas faite qu'il y en avait, mais elle n'était pas faite non plus qu'il n'y en avait pas. Voilà, sur ce point-là, on ne peut pas avoir absolument de certitude. Mais on peut pas affirmer qu'ils ont menti de façon éhontée. Ils ont menti, encore une fois, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont prétendu avoir les preuves alors qu'ils ne les avaient pas. Très bien. Voilà. Ça suffisait, quoi? Est-ce que c'était la seule motivation, franchement? Alors non, bien sûr que non. Ça, c'est le prétexte. La motivation, elle est... Je pense qu'il y a une partie qui est d'ordre politique et une partie qui est d'ordre psychologique. La partie politique, au fond, c'est la vision qui était celle de cette droite américaine qui avait remporté le pouvoir donc en fin 2000 avec Bush et qui voulait, au fond, que les États-Unis prennent la tête de ce que certainement Ben Laden aurait appelé une croisade, en tout cas d'une offensive occidentale pour changer la donne au Proche-Orient, remodeler, comme ça a été dit, le Moyen-Orient, en finir avec des régimes archaïques, favoriser le développement, la démocratie, etc. Donc c'était la conviction de ces gens-là. Ils pensaient qu'il fallait, et ça faisait longtemps qu'ils réclamaient une intervention en Irak. L'Irak, c'était le point d'entrée pour eux. C'était leur conviction, c'est qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller, et puis prendre les affaires en main, et transformer le Moyen-Orient. La cause psychologique, c'est que l'Amérique était blessée et humiliée par le 11 septembre 2001. Donc il fallait que quelqu'un paye pour ça. Voilà. Et ça a été Saddam. Et est-ce qu'on peut établir un lien, comme il a souvent été établi, entre les deux guerres du Golfe, guerre du Golfe en Irak, hein. La première, George Bush père devait parler jusqu'au bout, puisque Saddam Hussein est resté en vie. Est-ce qu'il y a un lien à établir entre les deux? Le fils aurait voulu parachever l'œuvre du père. On l'a dit. Alors, hein. Ça a été dit, sauf que il a été dit aussi qu'il y avait eu cette hypothèse non vérifiée, mais d'un projet d'attentat contre le père en 93, et que Bush aurait voulu venger cela. Mais ce qui est établi, c'est que au mois d'août 2002, qui est un moment très important dans le débat interne aux États-Unis sur faire la guerre ou pas la guerre, les messages qu'envoie le père Bush à travers des gens qui ont été ses ministres comme James Baker ou ses conseillers comme Brent Scowcroft, c'est « Fiston ne va pas faire la guerre ». Donc, clairement, les deux hommes ont, sur ce qu'il convient de faire à ce moment-là, des vues opposées. Alors, il y a ce que dit le père. Alors, plus important, il y a l'opposition de pays importants quand même, hein, comme la France, en premier lieu. L'Allemagne, finalement. La Russie. Bon, la Russie, ça veut dire que cette guerre était évitable. On n'était pas dans ce que François Mitterrand avait appelé pour la première guerre du Golfe, une logique de guerre. Il y avait de quoi ne pas aller cette guerre. La situation était totalement différente, parce en 90, Saddam Hussein envahit le Koweït et l'annexe. Donc la légalité internationale est brisée. Et à l'époque, il y a un consensus très large, y compris dans la plupart des pays arabes, pour estimer que si on laisse cette situation s'installer, c'est la fin de l'ordre international. Mais en 2002 ou 2003, je dirais, c'est d'une certaine manière l'inverse. Saddam Hussein peut être considéré, ça se discute, comme étant en violation d'une résolution antérieure de l'ONU, la fameuse résolution 1284, qu'il ne respecte pas tout à fait, très bien. Mais enfin, il n'a rien fait de comparable à l'invasion du Koweït. Et en revanche, ce sont les États-Unis qui vont chercher à forcer, sinon violer, la légalité internationale pour justifier leur intervention. Alors, on va revenir à l'un des moments marquants de cette bataille diplomatique qui était le cœur de notre récit, donc ce réquisitoire de Colin Powell du 5 février 2003. On va écouter ce que le même Colin Powell en disait un an plus tard. Et là, il répond à vos questions dans votre documentaire que j'ai cité au début du récit qui s'appelle « Irak, la guerre à tout prix ». Donc, c'est un an plus tard. La présentation reflétait le travail de l'ensemble des services secrets américains. Et ce qu'ils m'ont donné pour la présentation concordait avec ce qu'ils avaient dit déjà depuis longtemps. Cela concordait avec les renseignements que détenait le gouvernement précédent sur les activités de Saddam Hussein. et cela concordait également avec ce que nous savions de la plupart des pays étrangers et de leurs services de renseignement sur les buts de M. Saddam Hussein. Un bon nombre de membres étaient déjà convaincus avant notre entrée dans la salle, parce qu'ils avaient eux aussi leurs propres services de renseignement. Certains membres restaient à convaincre, d'autres ne seraient jamais convaincus. Bon, là, il est encore dans la même logique, mais plus tard, le même Colin Powell dira « c'était une tâche dans ma carrière ». Et même George Bush, d'ailleurs, a dit qu'il avait un regret, il faisait, quand il a dit « mission accomplie hein, » sur le bateau, il a dit avoir regretté ça. Donc finalement, ils ont été pris dans leur propre piège. Alors, Powell, est dans l'extrait d'interview que vous avez passé, là, donc qui a été fait un an après, il est encore secrétaire d'État, encore ministre, et donc il continue la langue de bois. La même logique. Quelques temps plus tard, 2-3 ans plus tard, il dira à quel point, au fond, il s'était fait avoir. Donc là, tout ce l'extrait que vous venez de passer, c'est un beau morceau de mensonge du premier au dernier mot, puisque l'idée même que d'autres pays étaient convaincus, on sait que c'est faux, on sait que même Blair avait de sérieux doutes, les Français évidemment n'en parlons pas. Donc ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas eu des moments où, par exemple, les Français disaient il y a peut-être des trucs. Hein, je me souviens, c'était l'expression de l'ambassadeur de France à Washington, Jean-Daniel Levitt, il m'avait dit un jour, on pense qu'il a peut-être des trucs, mais on était dans le peut-être. Il n'y a, hein, a pas de fumée sans feu. Mais gros, jamais personne n'a été convaincu de manière solide et argumentée et consistante qu'il y avait effectivement des armes de destruction massive, ou en tout cas des armes de destruction massive prêtes à l'emploi, qu'il gardait peut-être des stocks de choses qui dataient de 10 ans avant, c'est possible, mais qu'il y ait des armes de destruction massive prêtes à l'emploi, et encore plus ou encore moins du nucléaire, personne n'a jamais cru ça. Bush, si vous voulez, la déconfiture de Bush, c'est effectivement ce discours ridicule sur le porte-avions avec cette banderole mission accomplie. Quand on sait ce qui s'est passé, je veux dire, quand on sait ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que la situation en Irak aujourd'hui avec l'État islamique, elle est en grande partie le produit de l'intervention américaine et surtout dans des conditions dans lesquelles elle a été faite. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de Daesh? C'est l'encadrement d'officiers et de sous-officiers de l'armée de Saddam qui ont été réduits au chômage par l'administrateur américain Bremer quand il est arrivé là-bas. Il a fait l'erreur historique de sa vie. Il fallait surtout pas renvoyer ces gens-là chez eux. Et donc évidemment, aujourd'hui, il a fallu ces officiers et sous-officiers, il fallait bien qu'ils mangent, qu'ils fassent manger leur famille. Et donc on les retrouve aujourd'hui dans l'encadrement de Daesh. Mais enfin, qui sont ces gens qui ont le pouvoir à Washington à cette époque-là? Ils déclenchent une guerre illégitime, une guerre qui fait des morts, et comme d'habitude, c'est les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Ils mentent. Qui sont ces Dick Cheney, Rumsfeld, Bush, Powell, Rice? Qui sont ces gens? Mais que voulaient-ils? Dans les mains de qui a-t-on laissé l'Amérique? L'élection de Bush en 2000, c'est clairement l'élection d'un républicain, mais c'est pas du tout le même genre de républicain que son père. Hein. Le point d'équilibre dans le parti républicain a changé, et il s'est clairement déplacé vers la droite. Donc ce sont des gens qui pensent que l'Amérique a une mission, qu'elle doit remplir cette mission, que le monde, au fond, est mauvais, en tout cas dangereux, que l'ONU est, comme aurait dit le général de Gaulle, un machin et un machin malfaisant, une espèce de machine à produire des résolutions anti-américaines, anti-israéliennes, et à protéger des dictateurs. Donc il faut se défaire de tout ça, il faut que l'Amérique sorte du réseau international dans lequel elle s'était inscrite de sa propre initiative. N'oublions pas que la Société des Nations, en 18-19, c'est l'Amérique qui l'a voulu, et l'ONU, en 45, c'est aussi l'Amérique qui l'a voulu. Mais ces gens-là pensent qu'il faut sortir de ça, qu'il faut que l'Amérique retrouve sa liberté d'action et qu'elle puisse aller frapper qui elle veut, où elle veut, quand elle veut. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que l'Amérique retrouve le leadership du monde de façon incontestable, voire brutale. Après la chute de l'Union soviétique, il y a un ordre nouveau qui intervient et les États-Unis veulent s'inscrire comme le pays leader de cet ordre nouveau. Cette politique agressive, quand même, elle est faite pour aller dans ce sens-là, pour dire, voyez, c'est doux. L'Amérique avec nos gros bras. Il y a évidemment ça, sauf que, si vous voulez, personne ne conteste le leadership américain. À l'époque, c'est l'époque où Hubert Védry, ministre des Affaires étrangères de la cohabitation, en 2002, parle de l'Amérique comme hyperpuissance. L'Amérique n'a pas son équivalent, personne ne peut s'opposer à elle. Donc, si c'était ça leur souci, il était superflu. Il y a un courant contre la guerre aux États-Unis à ce moment-là. Il y a un courant naturellement contre la guerre. N'oublions pas que Obama, Barack Obama, qui est à l'époque sénateur de l'Illinois, prononce un discours qui d'ailleurs fera beaucoup, évidemment, pour son succès ensuite, puisqu'il aura démontré ainsi sa clairvoyance contre l'intervention en Irak. Il y a, même si la société américaine traumatisée par le 11 septembre penche vers l'intervention à ce moment-là, il y a quand même un courant fort dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques, et au moment de l'affrontement avec la France que vous avez raconté, il y a des gens qui prennent appui sur ce que disent les dirigeants français à ce moment-là, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, et qui disent au fond, c'est eux qui ont raison. Patrick Jarreau, on va se retrouver dans quelques minutes après avoir écouté Outkast, Heya, c'était l'un des tubes de cette année 2003. 1, 2, 3, 1, my baby don't mess around because she loves me so. Sensible dernière partie avec Patrick Jarreau, notre invité. Je rappelle que vous étiez correspondant pour le journal Le Monde à Washington à l'époque des faits, en 2003. Alors finalement, pour la France, quel est le bilan? Parce que d'un côté, elle ne réussit pas à empêcher la guerre, donc c'est un échec, mais d'un autre côté, c'est un succès diplomatique parce que la France l'a imposé, cette idée qui était si chère au général de Gaulle, de l'indépendance de la France, peut-être comme jamais elle l'avait imposé. Alors, c'est quoi? C'est un bilan mi-figue mi-raisin pour la France? Oui, enfin, il est certain que la France et Jacques Chirac, à ce moment-là, ont été en première ligne de cette bataille et qui a échoué à empêcher la guerre, c'est tout à fait vrai, mais qui a réussi à empêcher que cette guerre ne soit validée par l'ONU. Puisque finalement l'action de la France aura pour effet que la résolution qui autorisait la guerre ne pouvant pas être adoptée au Conseil de sécurité, non seulement parce que la France y aurait mis son veto, mais déjà parce qu'avant même tout veto, elle n'aurait pas eu la majorité au Conseil de sécurité, du coup les Américains ont préféré la retirer. Alors on peut dire c'est une victoire symbolique, mais la victoire symbolique c'est quand même important, ça a été de démontrer que les Américains agissaient dans cette affaire, et les Anglais agissaient dans cette affaire, hors de tout cadre légal, ou en tout cas hors de la légalité internationale telle qu'elle a été établie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que ça a été un conflit, d'ailleurs, je crois de part et d'autre, on en convient, qui n'avait pas eu de précédent, sauf peut-être la décision du général de Gaulle, en 1966, de sortir de l'organisation militaire de l'OTAN. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au fond, très vite, Jacques Chirac, après avoir mené cette action, remis la France, je pense, avec des manifestations un peu dans plusieurs parties du monde, qui étaient de soutien et d'approbation de ce que faisait le président français à ce moment-là. Très vite, il a donné instruction d'arrêter les frais et de travailler à rétablir des relations convenables avec les États-Unis. Parce que fondamentalement, évidemment, la France et les États-Unis restent des pays alliés. Donc, sans rentrer peut-être dans les détails techniques, mais dès que, par exemple, les États-Unis ont sollicité l'ONU quand même, ce qui après tout était là aussi une victoire d'une certaine manière symbolique, le fait qu'ils reviennent à l'ONU de donner, en quelque sorte, de prendre sa part de responsabilité dans la situation en Irak, les Français qui auraient pu s'opposer à cela, puisque l'action était illégale, il n'y avait aucune raison de la légaliser a posteriori, les Français ont accepté de laisser passer cette résolution. Bien, merci en tout cas Patrick Jarreau pour vos analyses, vos témoignages et puis aussi vos souvenirs, parce que je rappelle que vous avez couvert ces événements aux États-Unis. Vous savez que, vous le savez probablement, que George Bush aujourd'hui peint, il fait des tableaux, il expose même, peut-être peint-il des tableaux à la Guernica, peut-être. Au revoir Patrick Jarreau, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre en Irak et le refus de la France. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.